Les Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une romancière, poétesse, nouvelliste et conteuse. Elle a même animé une émission littéraire sur une autre radio de la région. C'est vous dire si je suis dans mes petits souliers. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Suzy Leblanc, qui vient nous parler de son recueil « L'arbre aux étoiles », publié chez Nerea Éditions. Bonjour Suzy Leblanc. Bonjour aux éditeurs, bonjour Mona, merci de m'avoir invitée. Ben, je vous en prie. Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Alors, bien sûr, mon pseudo, ben, c'est Suzy Leblanc. Je suis née en Dordogne, j'ai été élevée dans les Pyrénées. Et il y a plus de 40 ans que je suis en Lorraine, donc je suis devenue Lorraine de cœur. Je suis retraitée depuis de nombreuses années. Je partage ma vie avec mon mari qui est d'ailleurs auteur aussi et éditeur. Et puis, on a fait beaucoup de choses. Je travaille, j'ai une petite maison à la campagne. Et depuis 16 ans, j'ai commencé par du bénévolat classique. Et puis, petit à petit, je suis devenue effectivement écrivain, poétesse. Et ça fait 6 ans que je me consacre aux contes et que je compte un peu pour les petits, pour les grands, pour les personnes âgées. Et c'est devenu effectivement une passion. Et là, effectivement, j'ai mon dernier livre, effectivement, c'était consacré uniquement aux contes. Et ça s'appelle « L'arbre aux étoiles ». D'accord. Alors, pourquoi avez-vous fait le choix d'être conteuse ? Alors, c'est un petit peu un pur hasard au départ, parce que ça fait 16 ans que je fais partie de la même association à Vendeuvre. Alors là-dedans, j'ai fait des cours de français, j'ai fait du théâtre, j'ai fait pas mal de choses. Et puis un jour, dans une réunion, on m'a attrapé par la main dans le couloir, on m'a dit « Est-ce que tu veux venir à notre groupe ?» Alors à l'époque, c'était une conteuse professionnelle qui était là. Et puis, elle préparait la journée de la femme. Et je suis rentrée dans cette réunion et puis j'ai eu un peu le coup de cœur. Alors j'ai commencé tout doucement et je suis devenue maintenant peut-être une spécialiste des contes pour enfants, plus pour enfants, quoique je fais aussi des contes pour les grands, notamment dans les maisons de retraite. Voilà. Et j'ai pris goût et j'ai abandonné un petit peu l'écriture puisque j'ai quand même écrit bien avant ça deux romans, un livre de nouvelles, de la poésie, j'étais plus dans la poésie. Et vraiment, je me passionne maintenant pour raconter peut-être plus aux enfants. D'accord. Voilà. Et ça m'est venu comme ça. Et entre-temps, effectivement, vous l'avez dit, entre-temps, j'avais une émission de radio où je recevais effectivement tout ce qui tournait autour de la jeunesse. D'accord. Parlez-nous de l'arbre aux étoiles. C'est un très, très joli titre, je trouve. Ah, alors, l'arbre aux étoiles. Alors, effectivement, c'est... Alors, l'arbre, pourquoi ? Parce que j'adore les contes d'arbres, j'adore la nature, je vais souvent me promener. Et pour moi, un arbre, ça me parle. Par contre, le titre « L'arbre aux étoiles », parce que dans le premier conte que j'ai écrit, ça s'appelle « L'arbre aux étoiles », et je ne l'ai pas dit, mais ça rappelle effectivement la colline de Sion, où on trouve des étoiles. Et donc, j'ai intitulé... Alors, j'ai pas voulu mettre... ce sont tous des contes. Mon livre, il y a 7 contes et de la poésie. Ce sont tous des contes que j'ai déjà testés sur plusieurs publics. Et donc, je me suis fait plaisir. J'ai édité ça en vitesse. Je me suis fait plaisir. Voilà. Et alors, dans ce petit recueil, je me suis fait aussi plaisir parce que je suis originaire des Pyrénées, je vous l'ai dit. J'ai toute mon enfance dans les Pyrénées et j'ai écrit, alors je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai écrit un qui s'appelle Le Pastour. Or, vous savez ce que c'est que le pastour ? C'est le chien de berger des Pyrénées. Et donc là, je suis retombée dans mon enfance à moi. Voilà. Et puis, dans le livre là, alors le tout premier que j'ai écrit, c'était pour la petite fille d'une amie. Ça s'appelle Princesse Evan. Et j'ai vu la petite fille devant moi. Et comme ça, c'est parti. Et j'ai écrit mon premier conte. Mais vraiment mon premier conte. Ça s'appelle Princesse Evan. Et elle m'a inspirée, cette petite fille. C'est une petite fille blonde qui, à l'époque, avait 6 ans, qui est venue vers moi. Alors, j'étais entourée avec des gens, enfin des amis avec qui je travaillais dans les associations. Et ça a été ma première écriture de conte. Parce que... écrire un conte, c'est complètement différent d'écrire un roman ou d'écrire une nouvelle ou d'écrire un poème. Oui. Donc moi, je fais une différence entre tout ça. Alors je ne sais pas, disons, je les ai testés oralement. Je ne sais pas si à la lecture, ça provoque le même effet. Ça, il faudrait que je trouve un lecteur qui me dit si vraiment il ressent la même chose, quoi. D'accord. Nous allons faire une première pause musicale, pardon, et nous allons écouter « Je vole » de Louane. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Alors nous sommes toujours avec Suzy Leblanc. Suzy a gentiment accepté de nous conter une histoire. Vous avez choisi quel conte ? Alors bien sûr, je vais vous rappeler dans mon petit livre, il y a Rue des Capucines. Et c'est un conte que j'ai écrit pour un défi de propreté à Vendeuve, pour tout vous dire. Ils font ça à peu près tous les 2 ans pour MMH, les HLM. Mmh. Et comme je suis conteuse chez eux depuis quelques années, eh bien, ça m'a inspirée et j'ai écrit Rue des Capucines. Alors, si vous voulez, je ne vais pas le conter comme d'habitude parce que la voix sera peut-être différente. Je vais vous le lire. C'était le printemps. Au pied d'un immeuble, quelques plantes profitant du soleil s'étaient élevées au-dessus du gazon. Une simple plate-bande, toujours bien entretenue par le concierge entre le trottoir et la façade, entourée de grosses pierres pour éviter les chiens, avec une belle pancarte « Pelouse interdite ». Même les enfants n'avaient pas le droit d'y jouer au ballon. En fait, elle n'était utile à personne. Jamais aucune fleur n'y poussait. La pelouse semblait juste servir à donner du travail au concierge qui l'entretenait. Justement, un nouveau concierge venait de s'installer. Tout heureux d'avoir trouvé un 3 pièces pour se loger, il s'apprêtait à faire sa première tonte. L'immeuble, lui, il était très ancien. Au premier, une très vieille dame qui lorgnait à travers son fouillis de plantes sur le rebord de sa fenêtre. L'homme, il a vu bouger le rideau. Comme il était nouveau, il ne souhaitait pas du tout d'être observé. Je suppose qu'elle attend de voir comment je vais m'y prendre. Oh, et puis elle est prête à ricaner car je n'arrive pas à mettre en route cette tondeuse, disait le concierge. Il tira de toute sa force sur la poignée de démarrage, si fort que la cordelette cassa et le pauvre homme tomba et se cogna sur une grosse pierre. Quelques instants plus tard, la vieille dame, elle avait descendu les étages, elle était tout à côté de lui. Elle s'appelait Marinette. En fait, le concierge s'était cassé le bras. Marinette était là depuis si longtemps. Elle connaissait tout le monde dans le quartier. Maintenant, elle était à la retraite. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre et à soigner ses plantes. Elle était veuve depuis longtemps et ses enfants bien loin. Depuis l'accident du concierge, elle prenait régulièrement de ses nouvelles. Ça lui changeait un peu la routine. Espiègle, elle prenait du plaisir à bavarder avec lui. Peu à peu, leur relation devint amicale. Un jour, elle rapporta un almanach du jardinier et ils se mirent à parler de fleurs et de nature. Elle lui prêta son lit sur les plantes sauvages pour qu'il puisse identifier les fleurs qui poussaient dans la pelouse depuis qu'elle n'était plus tendue. Marinette, elle était passionnée de fleurs. Lui, il découvrit son balcon fleuri. « C'est mon passe-temps préféré, dit-elle, avec les mots croisés. » Bientôt, devant l'immeuble, quelques primevères par-ci, par-là, des cardamines de couleur mauve, quelques pissenlits, des pâquerettes, des coquelicots, quelques bleuets. C'est le vent qui avait semé toutes ces petites fleurs que jamais personne n'avait vues. La pelouse était devenue un jardin fleuri, un peu sauvage, mais plein de couleurs. Le concierge et la vieille dame, devenus amis, finirent par mettre un joli panneau à l'entrée de l'immeuble, avec tous les noms des fleurs. la pelouse qui avant se couvrait d'objets hétéroclites, des papiers de bonbons, était devenue un parterre fleuri. Mais au fait, pourquoi la rue porte le nom de Capucine ? Demanda un jour le concierge, qui venait lui d'un autre quartier. C'est un souvenir des moines capucins, expliqua Marinette. Autrefois, sans doute, ils habitaient dans cette rue. Puis on a donné le nom à la fleur d'une belle couleur jaune-orangée qui couvrait les murs des maisons. Si vous saviez, autrefois, le quartier était fleuri. Il y avait même un petit étang au milieu des champs où Marinette allait chercher des tritons, des salamandres et attraper les lézards. Oh, que de souvenirs elle avait, la vieille dame. Elle a expliqué combien le quartier avait changé avec la venue des immeubles. Avant, j'écoutais le chant des oiseaux, mais les arbres avaient disparu. Les oiseaux ont volé, plus d'arbres, plus de papillons, plus de fleurs. Les HLM, eux, ont tout remplacé. Les enfants du quartier, intrigués, curieux, étaient venus voir le parterre de fleurs sauvages. C'était nouveau, des fleurs, des couleurs. Ils allèrent interroger le concierge et puis Marinette. Ils trouvaient ça joli. Finalement, ils décidèrent tous ensemble de ramasser tous les papiers, de ne plus jeter les pelures de fruits, les emballages de bonbons, comme ils en avaient l'habitude par les fenêtres. Ils proposèrent de planter des fleurs, de vraies fleurs, tout autour de la pelouse. Ils demandèrent même, d'acheter des corbeilles à papier pour jeter les papiers. Tout le quartier rajeunissait et prenait de la couleur. Un petit garçon avait eu l'idée de faire construire un petit bassin où l'on pourrait voir les poissons, les salamandres comme ceux du parc. Marinette faisait découvrir les plantes oubliées. Elle avait donné quelques tritons, conservés d'année en année dans un grand aquarium, dans son appartement, entouré d'une petite multitude de petites plantes sauvages qu'elle s'ingéniait à faire pousser. La rue des Capucines avait finalement retrouvé le chant des oiseaux, le vol des papillons, la couleur des fleurs. Tout le monde se réjouissait. Avec l'aide des enfants, Marinette et le concierge avaient redonné une âme au quartier. Depuis ce jour-là, plus personne ne marche sur la pelouse. La pancarte « Pelouse interdite » a été remplacée par un bel écriteau peint par Marinette « Ne touchez pas aux fleurs, admirez-les ». Et moi, je m'en vais respirer le bonheur de la nature quand mon conte est terminé. Merci Suzy, c'est ouais. Très poétique. Voilà. Alors vous parlez beaucoup d'écologie dans vos contes. Vous pensez que le conte est un bon vecteur pour faire passer des messages ? Alors le conte est un vecteur quand on sait l'utiliser effectivement pour passer des messages. Alors effectivement dans ce livre-là, dans ce recueil-là, oui j'ai un petit peu parlé un peu d'écologie si l'on veut, il n'y a pas que ça. Mais effectivement je suis très attentive à tout ce qui est nature. D'ailleurs on a été formés comme ça. J'aime beaucoup me promener dans la nature, cueillir des fleurs, regarder les voir. D'ailleurs je suis très inspirée par ça, même dans mes nouvelles, etc. Effectivement je suis un peu... Enfin, je me considère un peu comme écolo. Mais le conte peut véhiculer aussi, à condition de le faire avec humour. J'aime pas, par contre, dans un conte, je n'aime pas faire de la morale. Mais en parlant de certaines choses, ça peut donner l'envie, effectivement, à ceux qui écoutent les contes, de faire attention autour d'eux, ou de faire ci, ou de faire là. Ça dépend des contes. Alors, c'est... Évidemment, ce recueil-là, vous avez trouvé... Ah ben oui, peut-être. C'était un peu écologique, oui, effectivement. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est fait par petites touches. C'est pas, oui, par petites c'est touches, pas moralisateur, voilà. On est bien voilà. D'accord. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout du genre à faire un conte avec une morale. Pas oui, du oui, tout, bien non. Sûr. Alors, plusieurs chercheurs et psychanalystes ont démontré que le conte est un élément important dans le développement de l'enfant. Concentration, écoute, développement de l'imagination, estime de soi. Vous êtes d'accord ? Ah, absolument. D'ailleurs, je compte de plus en plus pour les tout-petits. Oui. C'est tout nouveau. Je suis obligée... Alors, quand on compte pour les petits, effectivement, le même conte, par exemple, je peux le raconter d'une certaine façon avec des adultes ou avec des enfants de 10-12 ans. Et je raconte la même chose, mais avec les mots différents, pour les tout-petits. Alors pour les tout-petits, effectivement, il y a une thérapie. Il faut des choses courtes, simples, qui leur parlent. Alors moi, effectivement, actuellement, je crois que sur la place de Nancy, on m'appelle la conteuse aux marionnettes parce que j'ai pris l'habitude, effectivement, quand je compte aux tout-petits, de faire mes propres marionnettes et de raconter carrément avec du visuel, parce qu'il faut du visuel. Pour les petits. Donc, je me crée mes propres marionnettes. Voilà. Et je pense, alors je fais beaucoup sur Vendeuve, puisque j'ai beaucoup d'associations sur Vendeuve qui me connaissent. Et effectivement, chaque fois que je sors compter sur Vendeuvre, eh ben, je compte, je crois qu'on me connaît avec Suzy, la conteuse aux marionnettes, je crois. Alors, il paraît aussi que les contes ont une vertu thérapeutique pour les malades, notamment ceux atteints de la maladie d'Alzheimer, oui, et les personnes âgées. Vous l'avez constaté ? Alors, justement, je compte dans une maison de retraite, oui, où effectivement, il y a tout un étage d'Alzheimer. Et alors, j'ai été très, très étonnée, parce que ça fait 5 ans que j'y vais, presque 6. J'y vais une fois par mois pour compter donc avec donc les résidents. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, c'est la meilleure amie de ma fille aînée que j'ai re-rencontrée là, qui est psychologue dans cette maison de retraite, et qui m'a fait compter pour les Alzheimer. Mmh. Et moi, j'y croyais pas. Or, les Alzheimer, ils ont des moments de lucidité. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut prendre des choses qu'ils ont connues dans leur enfance. D'accord. C'est-à-dire, suivant l'âge des Alzheimer, la plupart du temps, pas toujours, c'est pas toujours des personnes âgées d'ailleurs. Non, bien sûr. Et donc, comme je fais de la poésie, mmh, eh ben, j'ai commencé par leur dire des poèmes qu'on a appris enfant. Et puis, petit à petit, je leur raconte des petites histoires. Alors là aussi, je pense que par rapport aux résidents standards, si je peux m'exprimer ainsi, je raccourcis les contes parce que leur captation d'écoute est beaucoup plus fragile et ils écoutent vraiment, mais peut-être moins longtemps, un peu comme les enfants. D'accord. Oui, et c'est une bonne thérapie. Alors, tous les contes que vous racontez sont de votre cru ou bien vous puisez à d'autres Alors, sources ? Non, tous les contes ne sont pas de mon cru, j'en ai pas mal écrit. J'en ai sorti que quelques-uns dans un livre. Non, alors là, le propre de la conteuse, c'est de prendre un conte, même des contes traditionnels, mmh, et de le dire avec ses mots. Parce que, par expérience, un même conte raconté par 2 conteuses différentes, ça sera la même histoire, mais vous n'aurez pas le même ressenti. C'est ça, en fait, le travail de la conteuse. C'est-à-dire reprendre l'histoire, le béaba, avec vraiment les contes traditionnels, il faut faire très attention, parce qu'il faut faire attention, mais avec nos mots à nous. D'accord. Oui. Alors, j'ai beaucoup de contes que j'ai transformés. C'est-à-dire, oui, je prends la racine du conte et après, ben, je brode autour. Mais le conte reste là. Pas dans les contes traditionnels, hein, style Petit Chaperon Rouge ou enfin les contes traditionnels qu'on demande dans les écoles. Non, bien je sûr. Respecte vraiment. Mais dans certains contes, oui, effectivement, les contes de nature, oui. Voilà. Alors, quels sont les ingrédients pour qu'un conte fasse mouche, qu'il plaise ? Alors là, c'est une question un peu difficile parce que ça dépend, je pense que ça dépend de la façon de le dire, en fait. On peut tout dire. Oui, on peut tout dire avec certains mots. Oui. Ne pas blesser, oui, ne pas heurter, mmh, tout dans la, pas, ne pas être dans la provocation. Oui. C'est-à-dire, voilà. Mais effectivement, moi, je pense qu'avec les mots, on peut faire passer beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis une amoureuse des mots, une amoureuse du français, une amoureuse de la poésie. Et je pense qu'avec, en choisissant nos mots, eh bien, je pense qu'on peut faire passer beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, il y a les attitudes, parce que là, je vous ai lu mon conte, mais si je le dis en réalité, il y a l'attitude qui est là. Donc, en plus, vous avez l'attitude, la façon de se mouvoir, la façon de se comporter. Puis moi, j'aime bien me déguiser, je mets des chapeaux, j'aime bien me mettre en scène, voilà. D'accord. Alors, ça dépend des conteuses. Il y a des conteuses que je connais qui sont juste là et qui racontent leur histoire. Moi, j'aime bien me mettre en scène. Voilà, j'aime bien bouger. Je pense. Alors, quand je raconte aussi, souvent, j'ai de la musique, j'ai des poèmes. J'interviens avec un petit poème par-ci, par-là. Donc, j'aime bien faire vivre. Voilà, faire vivre mon conte. Voilà. D'accord. Alors, les enfants ne sont pas les seuls à aimer les histoires. À votre avis, pourquoi le conte plaît-il autant encore aujourd'hui ? C'est de la nostalgie ou bien une invitation au rêve ? C'est peut-être pas de la nostalgie. Alors, ça peut être de la nostalgie quand vous avez un conte que vous avez, mettons les personnes âgées, elles ont entendu dans leur enfance tel ou tel conte à l'école ou chez eux, quoi, voilà. Peut-être plus pour les enfants d'aujourd'hui, parce qu'ils sont complètement différents. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le mot nostalgie. C'est plutôt, oui, peut-être envie de rêver ou de se retrouver. pas forcément nostalgique, mais on a envie de repartir ailleurs. Alors effectivement, vous avez des comptes dont... Alors je travaille normalement, puisque je vais vous dire, quand je fais une animation qui dure à peu près une heure, moi, voire deux heures, j'ai toujours un thème bien précis. Mmh. Donc, par exemple, si c'est le thème du printemps, ben, ça sera les fleurs, ça sera les arbres. Bon, si c'est un thème d'animaux, ben, ça sera vraiment avec les animaux. Enfin, voilà. Notamment, c'était la propreté, donc c'était des contes un peu écologiques. Voilà. Et je pense que, oui, à ce moment-là, alors, je ne dis pas que je fais mouche à chaque fois, hein, parce que vous avez des gens... qui, je ne demande pas à tout le monde d'aimer ce que je raconte. C'est vraiment, non, je ne peux pas. Mais dans le lot, il y en a toujours qui réagissent. Voilà, toujours. Que ce soit des moins jeunes, des plus âgés, des petits, il y en a toujours un ou deux qui réagissent. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, toujours. Et alors, ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, quand les réactions ne sont pas, disons, entre parenthèses, favorables, ça me plaît aussi. Parce que ça me permet de voir si ce que je raconte plaît, ou alors un certain passage, parce qu'ils sont, surtout les enfants, même de 10, 12 ans, ils vous le disent, on ne peut pas tricher avec les enfants, oui, on ne peut pas. Donc vous voyez tout de suite si ça leur plaît, si ça ne leur plaît pas, si voilà. Et donc, quand je vois que ça ne plaît pas, je les emmène, je m'approche, je leur parle, et puis en fait, finalement, ils acceptent le conte, quoi. Oui, d'accord. Et donc, vous intervenez que dans des associations ou vous pouvez intervenir ? Non, alors j'ai deux casquettes. C'est-à-dire, j'interviens dans les associations, au nom de l'association. J'interviens au nom aussi, maintenant, de lire et faire lire. Oui. Alors ça, c'est autre chose, c'est une autre casquette. Et puis, j'interviens à mon propre nom, Suzy Leblanc, conteuse. Voilà, mais j'ai mes propres spectacles. Voilà. D'accord, on peut donc vous contacter, tout pour, à fait. Par exemple, pour un tout goûter d'enfant, ah c'est oui, quand même plus intéressant. Ah oui, j'ai déjà fait, oui. Oui, oui, oui, oui, tout à fait. Ah voilà. D'accord, oui. Voilà. C'est bien. Voilà. Ouais. Alors, vous donnez vos coordonnées, comme ça, pour nos auditeurs qui pourraient vous contacter ou pas ? Ah bah alors, le mieux, c'est d'aller sur mon site Nereia. Alors, Nereia, eh bien, c'est la maison d'édition de mon mari. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me connaissent en tant qu'écrivain. Non. Oui. Donc, vous allez sur le site Nereia, alors nereiah.com. Et là, eh bien, vous me retrouverez avec toutes mes coordonnées. Ou alors, vous tapez Suzy Leblanc. Il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs Suzy Leblanc. Moi, c'est Suzy Leblanc, pas attaché. Et à mon avis, eh bien, vous me retrouverez quelque part. Voilà. Mais je ne me fais pas beaucoup de publicité sur Internet. Je préfère que l'on me contacte de bouche à oreille. Ah oui, parce que si vous plaisez à quelqu'un quand vous faites une intervention, eh ben, elle va le dire à une autre personne et l'autre personne va me contacter. Je ne fais pas beaucoup de publicité sur Internet. Mais vous pouvez me retrouver sur le site Nereia, j'y suis. Voilà. D'accord, bah, écoutez, voilà. Ça peut peut-être être... Et puis aussi, sur le site d'une association avec laquelle je travaille beaucoup, c'est une association de vente d'œuvres. Vous pouvez faire réponse, comme une réponse, le site réponse où bien souvent je passe parce que je fais partie de l'association. D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner aux parents, il faut maintenir l'histoire du soir pour les enfants ? Alors, oui, moi je trouve que... les enfants maintenant, ils regardent beaucoup la télévision. Alors on met un enfant devant la télévision. Alors ça c'est bon, je sais que c'est la facilité pour les mamans qui rentrent, qui sont fatiguées, etc. J'espère qu'il y a beaucoup de mamans qui prennent 5 minutes le soir au coucher pour les embrasser, pour lire quelque chose. Je sais que les enfants d'aujourd'hui, ils lisent moins, c'est-à-dire qu'ils ont leur tablette. Oui, bien sûr. Oui. Donc ils lisent moins. Mais oui, moi je conseillerais même de réciter une petite fable de La Fontaine ou de prendre une histoire qu'ils ont vue à l'école. Je pense que c'est quand même très très important pour un enfant. Oui, je suis persuadée, oui. Alors quels sont vos projets ? Mes projets, alors actuellement, je me fais plaisir cette année. Alors je ne dis pas souvent... Alors, je compte toujours pour les personnes âgées, pour les associations, pour tout le monde. Mais je me fais plaisir actuellement parce que je compte de plus en plus pour les tout-petits. Et c'est un autre travail, c'est une autre forme de raconter. Et là, alors, j'avoue, Je donnerai pas là où je vais, quoi. Mais c'est pas mon but. Mais je suis très, très bien accueillie. Oui. En fait, je vais vous dire, je vous dirai pas où, mais ce sont des crèches. Oui. Et là, franchement, il y a un personnel que j'admire, mais vraiment, car j'ai une écoute et un accueil formidable. Et je crois que j'ai plu. Donc, je me donne beaucoup de mal. Je prépare énormément mes interventions, comme d'ailleurs toutes mes interventions, parce que je ne sais pas faire une intervention si, en amont, je n'ai pas préparé mes textes, la ligne que je vais... Voilà. Et je vous dis maintenant, et en plus, je me fais plaisir parce que je reviens à mes premiers amours. C'est-à-dire que je suis très bricoleuse. Et pendant des années, entre l'écriture, les associations, j'avais plus le temps. Et là, je prends le temps de refaire mes marionnettes, de me refaire des... Alors, il y a aussi le raconte-tapis. Donc, je me fais mes propres raconte-tapis. Et je prends le temps de bricoler. Mmh. Voilà. Et ça me fait plaisir parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait. D'accord. Alors écoutez, le temps passe très vite, mais alors où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors, mes livres ne sont pas dans les bibliothèques. On peut le trouver effectivement dans le site Nereia ou alors sur les salons, mais j'en fais de moins en moins. Alors pour vous dire, bon, ça c'était mon dernier livre. Autrement, j'ai écrit deux romans. J'ai deux. Alors si vous allez peut-être pouvoir me voir, je serai conteuse et écrivain, et j'aurai ma table d'écrivain au Salon du Livre d'Essai les Nancy, oui, qui est bientôt, je ne sais plus trop la date, mais vous pouvez venir me voir, et là, je compterai le dimanche après-midi pour les enfants dans la bibliothèque d'Essai les Nancy. D'accord. Mais je ne me rappelle plus la date. C'est très, très... Là, c'est dans le mois qui vient. C'est dans le mois de mai, voilà. D'accord. Autrement aussi, on peut trouver aussi vos livres à la librairie Singulière, à rue Lafayette. Voilà. Absolument, effectivement. Alors, la librairie Singulière, on peut trouver mes livres et j'y vais par amitié. Je vais compter à la librairie Singulière une fois par mois et j'y serai le premier jeudi du mois de mai de 15h à 16h. D'accord. Voilà. C'est plutôt pour les enfants, à destination alors, des enfants ? Non, pas. Alors, lui, évidemment, la librairie Singulière, il annonce plus pour les enfants, mais. Les mamans peuvent venir. Si je vois que j'ai du public qui est un peu plus âgé, ben j'en fais au moins un pour le public là. Je me débrouille, j'adapte. Voilà. Effectivement, dans l'annonce de la librairie Singulière et Plurielle, c'est plus pour les enfants, oui. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, je conseille à tous les auditeurs d'y aller parce que franchement, c'est un vrai plaisir d'écouter Suzy Leblanc. Merci à elle d'être venue nous voir et de vous parler de son recueil « L'arbre aux étoiles ». Merci beaucoup, je vous remercie. Au plaisir de vous retrouver, cher auditeur, quelque part. Au revoir à tous. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.